Non, mais il y a quelque chose qui est assez important. Un frère vient d'envoyer une question. Il dit le fait de sortir Zakat al-Fitr deux jours avant la fin de Ramadan concerne l'achat des denrées ou le fait de les donner. C'est quelque chose qui est très important à savoir quand on dit qu'il faut sortir Zakat al-Fitr un ou deux jours avant le mois de Ramadan. Et que ça, c'est un temps qui est autorisé. Et le temps préférable, c'est entre le Fajr et la prière de l'Eid, le jour du Eid. Eh bien, tout cela, pour remettre les choses au clair, avant le jour du Eid, le jour même du Eid, avant la prière du Eid, ou un jour avant, ou deux jours avant, si tu achètes les denrées et tu la donnes, ta zakat sera acceptée. Si tu achètes juste les denrées deux jours avant, par exemple, et que tu la donnes le matin du Eid, avant la prière du Eid, elle sera acceptée aussi. Donc l'achat des denrées, tu peux les acheter même un an avant. Tu as ces denrées parce que ce n'est pas obligatoire aussi pour toi d'acheter ces denrées pour les sortir. Tu as peut-être du riz à la maison. Si tu as du riz à la maison, tu as un paquet de 20 kg de riz, tu peux sortir un sac. Et 3 kg par exemple pour ta propre personne, tu les sors et voilà, tu as donné Zakat al-Fitr. Tu n'es pas obligé d'aller les acheter. Zakat al-Fitr, tu n'es pas obligé d'aller l'acheter. Tu les donnes avec ce que tu as. Ça fait partie, parce qu'au moment où tu l'achètes, ça devient ta propriété. Si tu avais déjà du riz, de la semoule, des dattes en ta propriété, eh bien, alhamdoulilah, tu sors avec ce que tu as avant la prière de l'Aïd. Le plus important, c'est que tu aies donné cette zakat à ses ayants droit avant la prière de l'Aïd, jusqu'à deux jours avant le jour de l'Aïd. Voilà, barakallahu fikoum. Il y a un point aussi qui est très important. C'est ce qui concerne donc les choses que tu donnes pour Zakat al-Fitr. Donc on a dit le riz, l'orge, le blé, les pâtes, les lentilles, les pois chiches, toutes ces choses-là. Et ce qui est préférable, c'est de donner ce que les gens utilisent habituellement. Ce qui sera le plus bénéfique pour les pauvres à ce jour-là. Il y a une chose qui est sortie, que tu as le droit de sortir pour Zakat al-Fitr, c'est la farine. La farine, mais le ulama, les savants, ils ont donné quelque chose de très important, ils ont donné un point, ils ont rappelé un point très important par rapport à la farine. Ce point est que la farine, tu ne dois pas la sortir bil kayl, c'est-à-dire avec le sar, avec cette chose-là, ou avec, comme je vous expliquais, les deux mains réunies. Si tu veux sortir de la farine, il faut que tu la sortes en poids. Comment ça en poids? Tu prends l'équivalent, donc la farine, c'est de la farine de blé ou d'orge. Combien va peser un sar de blé? Si le sac de blé pèse 3 kg, eh bien tu prendras 3 kg de farine. Tu l'achètes, 3 kg de farine. Il faut que tu le pèses. Il ne faut pas que tu le sortes comme cela. Les ulama, ils ont mis ce point-là, car la farine, la farine donc de blé ou d'orge, vous voyez, quand vous prenez un sac de blé, eh bien il y a des parties du blé quand elle est moulue, il y a des parties de blé, de l'écorce du blé qui partent, qu'on n'utilise pas dans la farine, qu'on ne retrouve pas dans la farine. Pour cela, ce ne sera pas la même quantité. Si tu veux sortir un sar, eh bien ce ne sera pas la même quantité. Et la farine, c'est sur la base du blé ou de l'orge que tu vas la donner. Donc, les ulama, ils ont dit, l'imam Mohamed bin Salih al-Utaymin, rahimahullah ta'ala, il dit que tu prends l'équivalent d'un sar de blé, tu le pèses, et ce qu'il sortira de cette pesée, c'est-à-dire par exemple 3 kg, tu sortiras cela en farine. 3 kg de farine. S'il sort 2,50 kg, 2,50 kg de farine. Toujours la farine à la pesée. Quelque chose de très important. Ne va pas sortir de la farine en prenant avec tes deux mains réunies, en prenant avec le mud al-Nabawi, etc. Ça, c'est une erreur. Tu auras peut-être donné en dessous de ce que tu devras donner pour Zakat al-Fitr. Barakallahu fikum. Et quant au fait de rajouter plus que ce que tu dois donner Zakat al-Fitr, là-bas, c'est que tu n'es pas obligé de donner cela. Ce qui était obligatoire de donner, c'est un sa. Un sa, si tu veux donner plus, parce que, c'est-à-dire tu fais une sadaqa, tu te dis je vais donner deux sa, ce n'est pas l'adoration de Zakat al-Fitr. L'adoration de Zakat al-Fitr, c'est un sa. Et ce que tu vas donner en plus, tu le donnes comme une sadaqa, tu le donnes le jour de l'Fitr, tu le donnes un jour avant, deux jours avant, dix jours avant, dix jours après, c'est une aumône. Et si tu le donnes en poids, et on va dire que par exemple, le sa de la semoule, par exemple, c'est 2,5 kg, et toi, tu achètes un paquet de 3 kg. Parce que c'est ce qui est facile devant toi. Le sar de semoule, on va dire que c'est 2,5 kg. Tu as un paquet de 3 kg au marché. Tu achètes le paquet de 3 kg, tu dis ça, c'est ma zakat pour moi. Et donc, tu as rajouté 500 grammes. Tu dois mettre cette intention que zakat al-Fitr, c'était 2,5 kg, et ces 500 grammes que tu donnes en plus, c'est une aumône que tu donnes fi sabilillah. Voilà. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.